sérieuse et bien écoutée. Les chirurgiens du mieux vivre. Les trafiquants de l'âme. J'y ai même cru. Ils sont trop occupés à fouiller le cœur des autres pour s'apercevoir qu'ils en ont un eux-mêmes. Ils sont à la recherche d'une évidence qui ne souffre ni leur orgueil, ni leur vanité. Mesdames, s'il suffisait qu'ils l'ouvrent leur cœur pour que l'humanité soit meilleure, plus moyen de se faire du fric sur le cul des mal bénis. Alors, quelle place leur resterait-il? Carpe diem. Vermisseau sans univers, embryon larvé au mal-être de votre propre prétention, je ne vous vois plus. Je ne vous vois plus. Quelle farce! Plutôt, allez seul. Chapeau bas les marchands du temple. Votre seule gloire est d'avoir remplacé le curé et son confessionnal. Mes paroles seront colombes, qui s'envoleront pour aller se poser sur l'arbre de vie de ceux dont saigne le cœur véritable. J'en parlerai aux herbes folles tôt le matin. Elles pleureront en grappes de rosée sur la bêtise des humains. Et moi, j'oublierai de me lever tard pour n'en pas perdre une goutte. Un amour aussi grand ne sera jamais objet de mécréants. Il faudra que je me souvienne des chaînes que je me suis obligé à porter pour être votre obligé, madame. Madame. L'amour me vient du cœur, de la nature, des êtres et des choses, qui respire son odeur d'humidité. Eh oui, la nature transpire, le matin, pour avoir trop fait la fête, la nuit, avec les étoiles. Et sa transpiration, aux heures pâles de l'aube, devient un océan où navigue mon bateau de cristal. Celtitude, solitude des justes. Armor.